n'a pas besoin d'un état qui décrète l'heure à laquelle on doit fermer les buvettes. Vienne un jour enfin l'harmonie naturelle entre le tenancier et sa clientèle. Vienne un jour où l'homme n'aura plus besoin de loi pour lui dicter le chemin. Quand un flic sera aussi superflu qu'un string sur un gros cul. On n'a pas besoin d'un guide du chrétien ou des portraits robots du mal et du bien. Vienne un jour enfin la levée des mystères de Dieu, de Jéhovah, de Daniel Gilbert. Vienne un jour où l'homme n'aura plus besoin de loi pour lui dicter le chemin. Quand un flic sera aussi superflu qu'un string sur un beau cul. On n'a pas besoin d'une juridiction, de marcher au bon point au coup de bâton. Vienne un jour enfin l'humanité si sage, le mondial pourra se passer d'arbitrage. Vienne un jour où l'homme n'aura plus besoin de loi pour lui dicter le chemin. Quand un flic sera aussi superflu qu'un string sur un beau cul. On n'a pas besoin de service militaire, de se préparer la petite dernière. Vienne un jour enfin l'ultime patriote, tel l'homme de Cro-Magnon terré dans sa grotte. Vienne un jour où l'homme n'aura plus besoin de loi pour lui dicter le chemin. Quand un flic sera aussi superflu qu'un string sur un beau cul. On n'a pas besoin d'un contrat de mariage, de faire certifier conforme au ménage. Vienne un jour enfin l'amour universel, vertueux par tous heures, qu'importe le modèle. Vienne un jour où l'homme n'aura plus besoin de loi pour lui dicter le chemin. Quand un flic sera aussi superflu qu'un string sur un beau cul. Pas besoin de tous entrer en transe, dès que Big Brother nous impose la cadence. Vienne un jour enfin le droit à la paresse et l'arrêt des pointeuses qui nous collent aux fesses. Vienne un jour où l'homme n'aura plus besoin